50 languages. 79. 79. 79. الصفات رقم 2. Adjectif 2. Adjectif 2. أرتدي ثوبا أزرق. Je porte une robe bleue. Je porte une robe bleue. أرتدي ثوبا أحمر. Je porte une robe rouge. Je porte une robe rouge. أرتدي ثوبا أخضر. Je porte une robe verte. Je porte une robe verte. أشتري حقيبة يد سوداء. J'achète un sac noir. J'achète un sac noir. أشتري حقيبة يد بنية. J'achète un sac brun. J'achète un sac brun. أشتري حقيبة يد بيضاء. J'achète un sac blanc. J'achète un sac blanc. إني بحاجة إلى سيارة جديدة. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. إني بحاجة إلى سيارة سريعة. J'ai besoin d'une voiture rapide. J'ai besoin d'une voiture rapide. إني بحاجة إلى سيارة مريحة. J'ai besoin d'une voiture confortable. J'ai besoin d'une voiture confortable. في القسم العلوي تعيش سيدة عجوز. En haut habite une vieille femme. En haut habite une vieille femme. في القسم العلوي تعيش سيدة سمينة. En haut habite une grosse femme. En haut habite une grosse femme. في القسم السفلي تعيش سيدة فضولية. En bas habite une femme curieuse. En bas habite une femme curieuse. كان ضيوفنا أناسا لطفاء. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. كان ضيوفنا أناسا مؤدبين. Nos hôtes étaient des gens polis. Nos hôtes étaient des gens polis. كان ضيوفنا أناسا مهمين. Nos hôtes étaient des gens intéressants. Nos hôtes étaient des gens intéressants. عندي أطفال مطيعون. J'ai des enfants affectueux. J'ai des enfants affectueux. لكن جيراننا عندهم أولاد وقحون. Mais les voisins ont des enfants effrontés. Mais les voisins ont des enfants effrontés. هل أولادك مؤدبون؟ Est-ce que vos enfants sont sages? Est-ce que vos enfants sont sages?